On est à la Demolition. Yeah. On va vous démolir. Yeah. La malin. Ok, un. J'ai besoin d'air l'héro. Le conteneur peut contenir de l'héro. Relancer toute la mi-fa ici bas. Mon couple a duré deux semaines comme Messi bas. Nique l'amour, vive la pénétration vaginale. Tes rappeurs ne méritent pas comme Giroud Gignac. On baisse de ta sœur, on nous fait des clés. Prends l'ascenseur, je prends l'escalier, j'arriverai musclé. Rappé comme moi pour des années, le savoir est une arme qu'il faut savoir armer. Rien de fou, c'est que des mots. Codé inné comme un Chicago. Rien de fou, c'est que des mômes. Qui vendent du shit, pas des petits gâteaux. Minuit. Monte au rebeu, le Jack Daniel est fini. Rappeurs à l'ancienne rappés avec leur bite, écoute au prêt à te batariser. Aujourd'hui plein de manies se prennent tous pour manie. Derrière leurs cheveux longs et leur fer à lisser. Grandis du mieux qu'on pouvait. Sais-tu que sucer augmente le risque de s'étouffer. J'reste dans mon coin camouflé. T'es Camito qu'a tout fait. Charlie a bien fini par être trouvé. Pauvre Charlie s'est fait trouer. Pauvre Charlie s'est fait trouer. Ouais. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Vicra, c'est là dans la tête. Des rails, du plomb dans la tête. Peufra, fais la fête. J'suis Rim KTAP, j'suis Omar, t'es Fred. J'suis Poutine, t'es Hollande, t'es pourri, j'suis frais. 9-3 c'est tendu, évitons de se rendre. Tu te feras violer dans le 9-3 comme l'Islande. Écoutez à Lyon, écoutez à Lille. Casse d'aide au frérot, la frappe arrive. Produit par moi-même, Peufra mon label. Chemise hawaïenne, suce-moi la bite. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Midi minuit, midi minuit. Bicra, c'est là dans la tête. Des rails, du plomb dans sa tête. Détail, quête là au millimètre. Petit tour dans le Cayenne, Cayenne. Ma story va me haïen, haïen. Mon équipe n'est pas balèze, balèze. Mais mon équipe est sous belèze, belèze. Belèze qu'on peut te rafaler, mettre sur Snap. Petite quête qu'on détaille, on met sur Snap. On vit pas dans les parettes, parettes. Ma chérie t'aimes les paillettes, Le match on l'a pris à 8, à 8. Tout seul j'peux pallier, pallier. Donc ça snap, snap, snap. Toute la noche, ne mets surtout rien.